tu demeures le rocher de mon cœur. Oui Seigneur, le soleil serait de ma vie. Avec toi, avec toi, je serai dans la joie. Habitant de la terre, célèbre l'Éternel. Que tous ceux qui respirent glorifient son nom. Oui Seigneur, tu es le soleil de ma vie. Avec toi, mon roi, je serai dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, exaltant le grand roi, car il est digne de louange, digne d'adoration. Oui Seigneur, tu es nations de la terre.